dis Seigneur, je t'aime, je te porte dans mon cœur. Pour tout ce que tu as réalisé dans ma vie. Oh, il est merveilleux. Oh, il est merveilleux. L'amour de Dieu remplit toute ma vie. L'amour de Dieu remplit tous les domaines de ma vie. Du matin au soir, hier, aujourd'hui, dans le passé comme maintenant, sur mes parents comme sur mes frères, sur moi-même comme sur ma famille, oh, dans tous les aspects. Alléluia. Je te porte dans mon corps. Alléluia. Et mon corps bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Oh, merci Jésus. Je te porte dans mon corps. Je peux te le dire ce soir. Et mon corps bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Grand. Sois béni. Nous nous recommandons à ta grâce. Parle-nous, Seigneur. Nos cœurs sont prêts pour t'écouter. Nous recommandons ton serviteur. Nous soumettons toute pensée captive à l'obéissance. Je condamne tout esprit qui n'est pas de toi dans la salle. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je viens élever le nom de Jésus. Seigneur, règne en ces lieux et que ta gloire nous remplisse. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Ça ne pas ma confine. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur ce soir pour sa présence dans nos vies, pour sa présence dans nos cœurs. Bien-aimé, je bénis le Seigneur. Je suis des enseignements depuis dimanche. Hier lundi. Et je suis reconnaissant envers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Parfois, il y a l'habitude de rentrer dans les enseignements. Vous allez comprendre la richesse et les bénédictions que Dieu nous donne. Dieu nous a choisi son instrument qui va nous parler ce soir. Alors, Église, levons-nous. Levons-nous ensemble. Et acclamons pendant que l'orateur vient. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Alléluia. Je vous salue encore au nom de Jésus. Tu peux aussi m'aider à saluer celui qui est à côté de toi. Bénissons le Seigneur parce qu'il est un Dieu merveilleux, un Dieu qui nous aime, qui nous crée toujours des opportunités pour que nous puissions parler avec lui. Nous reconnaissons aussi la présence du Père de la maison, un homme bien que Dieu t'a donné comme Père. C'est une grâce pour toi et pour moi de l'avoir au milieu de nous. Nous reconnaissons la présence des hommes de Dieu en ces lieux qui ne cessent jamais de prier pour cette église. Nous reconnaissons aussi la présence de chantres. Que Dieu vous bénisse en bon amour. Ainsi que les musiciens, les médias, et ainsi que tout celui qui est présent en ces lieux, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons encore continuer dans les prières de combat. Mais demain, nous allons passer, nous aurons des forts moments de prière de guérison en ces lieux. Et si tu as même quelqu'un qui est malade à la maison, invite-les et Dieu va les guérir. Aussi, que nous puissions nous efforcer à être à temps, parce que le service de guérison demande assez du temps. Nous allons prêcher et nous allons prier pour les malades, parce que Dieu nous a envoyés d'aider ceux qui sont malades. J'ai vite compris qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'église, mais ces gens-là, ils souffrent de maladies. Il y a d'autres maladies que la médecine ne peut pas guérir. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut guérir. Alors, soyons demain à temps pour qu'on commence. Et vous allez aussi nous excuser demain si on peut vous faire sortir avec un léger retard. Soyez patients, parce que le service de guérison demande assez du temps. Amen. Amen. C'est la chose dans laquelle Dieu nous a donné la mission pendant ces derniers temps. Et nous avons beaucoup de témoignages. Nous avons vu guérir les malades. Nous avons vu Dieu changer les gens qui ont des problèmes du sang, ce qu'on appelle les SS. Nous avons vu Dieu les changer en personne normale. Alléluia. Il est ce Dieu qui continue à guérir. Nous avons vu Dieu guérir les gens qui ont le sida. Nous avons vu Dieu guérir les colonnes vertébrales des gens. Et il continue à le faire. C'est la mission que Dieu nous a donnée. Alors, on ne peut pas terminer sans faire la mission que Dieu nous a donnée. Le Seigneur est apparu à moi, il m'a dit, va guérir mon peuple. Et depuis ce jour-là, je le vois en train de faire de grandes choses. Alors demain, c'est un jour spécial pour les services de guérison. Nous allons invoquer la puissance du Saint-Esprit et à la fin, nous allons nous occuper des malades. Jésus dit ceci, mon Père travaille et moi aussi je travaille. Ça veut dire, si Jésus continue à travailler, nous aussi nous continuons à travailler. Il a guéri hier et il continue encore à guérir aujourd'hui. Amen, Église. Si tu as quelqu'un qui est malade, amène-le. Et même si toi tu es malade, n'aie pas honte de sortir ici devant. Vous savez, ce qui tue beaucoup de gens, c'est la honte et la peur. Tu sais, dans la vie, si tu es toujours un homme peureux, et tu as toujours honte. Vous savez, les gens qui veulent toujours garder leur réputation dans les choses de Dieu, ils ne feront rien dans la vie. Qu'est-ce que les gens diront? Si les gens me voient tomber, et même si tu tombes, il n'y a pas un problème. Alléluia. Tu cherches à garder ta dignité tout en étant souffrant. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de gens, je voudrais témoigner les deux ceux qui sont sortis, c'était à Bukob, ils étaient tous sidatiques. Elles sont sorties devant des milliers de gens. Et on les a dit, tu as quel problème? Elle dit, l'un a dit, j'ai le sida. Et l'autre a dit, j'ai le sida. On a prié pour ces deux sœurs. L'une est venue avec quatre tests des différents hôpitaux. Elle a été guérie du sida. La honte. Si elle avait eu honte de sortir, elle allait rester avec sa maladie. Donc la honte aussi, c'est l'ennemi de la foi. La peur, c'est l'ennemi de la foi. Les doutes, c'est l'ennemi de la foi. Et je vous ai dit hier ceci. Un serviteur de Dieu qui dit même à la télé, qui dit devant les gens, qui dit, venez même si vous n'avez pas la foi. Mon Dieu va vous guérir. Dieu n'agit pas comme ça. Si Dieu était comme ça, tout le monde allait recevoir quelque chose. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Donc nous devons cultiver une vie pleine de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne s'arrête pas seulement ici à l'église. Même à la maison, tu dois avoir la culture de lire la parole de Dieu. De revisiter les enseignements de votre pasteur. Dieu l'utilise puissamment dans la parole. Ce n'est que toi peut-être que tu ignores. Moi, je suis ses prédications. Il libère des choses très importantes. Et quand tu prends une parole et tu t'appropries, elle commence à opérer dans ta vie. Dans la parole, il y a la puissance de miracle. Dans la parole, il y a tout ce que tu as besoin. Alléluia, Église. Maintenant, nous continuons toujours avec notre sous-thème que nous avons commencé le dimanche. On est en train de parler sur le mariage du cheval et de la colombe. Nous nous sommes illustrés dans l'histoire de Gédéon. La Bible dit dans Juges chapitre 6, verset 34. La Bible dit, Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette. Et Abiezer fut convoqué pour marcher à sa suite. Écoutez, nous avons parlé cet homme de Gédéon. Il était né de la petite tribu de Manassé. Il est né dans une famille très pauvre. Parce que lui-même expliquait à l'ange de l'Éternel. Quand l'ange de l'Éternel lui a dit « vaillant héros », lui, il a commencé à se lamenter. Il a commencé à demander même à Dieu « où sont tous les miracles que nos parents nous expliquent, nous disaient ?» Il a dit « ne m'appelle pas vaillant. Je viens d'une famille pauvre, d'une petite tribu. » Mais quand il a été saisi de l'esprit de l'Éternel, il n'était plus la même personne. Alléluia. Et nous sommes, je ne peux pas rentrer dans tout ce que nous avons dit, nous sommes allés dire que Gédéon dans la chair, il était comme un cheval. Maintenant, le cheval ne peut rien faire s'il n'y a pas le cavalier. Même Jésus dans la chair, il ne pouvait rien faire. Il fallait que le jour de son baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Lui qui était comme un cheval, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Parce que la Bible dit, Jean a témoigné, il a vu le ciel s'ouvrir et le Saint-Esprit est descendu sous forme de la colombe et s'arrêta sur Jésus-Christ. Et quand l'Esprit est entré en Jésus-Christ, la Bible dit qu'il les conduit dans le désert. Donc le Saint-Esprit, c'est un cavalier. C'est un conducteur. Il nous conduit dans la volonté de Dieu. Il nous conduit dans la mission. Il nous conduit dans les combats. La Bible dit ceci. La Bible dit, le cheval est préparé pour le jour de la bataille. Mais la victoire appartient à l'Éternel. Tu peux livrer des batailles, mais la victoire et le combat appartiennent à l'Éternel. Parce qu'avec l'Esprit de Dieu, il te conduit dans des victoires en victoire. Et nous avons parlé hier sur la vie de Samson. Nous avons dit que la personne de Samson, j'ai beaucoup mérité sur Samson. J'ai eu beaucoup de révélations sur ma vie moi-même. La Bible dit, Samson prit son père et sa mère, il les amenèrent à Timna. Parce que c'est là qu'il a vu une femme qu'il devait marier. Je ne peux pas parler de la partie de la révélation. Je ne suis pas, si je voulais parler dans la révélation, j'allais aller très loin. Parce que Samson, c'est l'image de Christ. Parce que Samson, quand il est venu, il n'a pas pris la femme israélienne. Il est allé prendre une femme étrangère. Et la Bible dit, ses parents ne savaient pas que c'était la volonté de Dieu. Maintenant, quand il s'est dirigé à Timna, la Bible dit, un jeune lion a rugi devant Samson. J'ai dit hier, pourquoi il n'a pas attaqué le père de Samson, ni la mère de Samson, mais il s'attaqua à Samson. Parce que dans le chapitre 13 de Juges, vous allez voir la naissance de Samson. Qu'est-ce que Dieu a dit tout autour de la naissance de Samson? Il avait une grande destinée. Tu es attaqué et combattu parce que tu portes une grande destinée. Tu es combattu par l'ennemi parce qu'il voit en toi, il y a la capacité qui peut changer la vie de plusieurs personnes. Même quand tu l'ignores, mais Dieu connaît ce qu'il a déposé en toi. Écoutez, ce que Dieu a mis en toi ne dépend pas de ta famille, ne dépend pas de tes études, ne dépend pas de ta tribu, mais ça dépend de sa volonté. Il a déposé quelque chose en toi. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur. Quand le lion attaquait, la Bible nous avons dit que le lion, c'est l'image du diable. Parce que dans 1 Pierre, nous avons dit, 1 Pierre 5, 8, la Bible dit, et le diable, comme un lion rugissant, il cherche quelqu'un pour le dévorer. Donc le diable, et même David a dit, il a dit, l'Éternel a préparé une table pour moi en face de mes adversaires. La table, c'est la stabilité. La table, c'est le bonheur. La table, c'est une destinée. Mais cette destinée est toujours combattue. C'est pourquoi les frères de Joseph se sont levés contre leurs frères. Et ils n'ont pas combattu Joseph parce qu'il était beau, mais c'est parce qu'il avait quelque chose qu'eux n'en avaient pas. Écoutez, bien-aimés, on ne jette pas des pierres sur un arbre qui n'a pas de fruits. On ne jette que des pierres sur l'arbre qui porte des fruits. Le combat dans ta vie, c'est un signe que Dieu est avec toi. Le combat dans ta vie, c'est un signe que tu es une personne différente. Le combat dans ta vie, c'est un signe que tu portes l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le combat de la destinée que Samson avait. Comment est-ce qu'il a vaincu ce combat? La Bible dit quand le lion s'est élevé pour l'attaquer. Oh, j'aime ce verset qui me vient dans la tête. Quand le lion s'est levé pour l'attaquer, la Bible dit l'Esprit de Dieu saisit Samson. Quand l'Esprit de Dieu a saisi Samson, la Bible dit Samson n'avait rien à la main. Qui est cet homme qui peut battre les lions sans quelque chose? Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as rien à la main. Tu n'as pas de connexion. Tu n'as pas l'argent. Il dit ceci. Jésus, quand il était vivant, il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Et si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. L'Esprit de Dieu ne viendra pas. C'est pourquoi à la Pâque, il devait partir. Il devait mourir afin de laisser la voie libre pour accomplir ce que Joël avait dit. Au dernier jour, je vais verser mon esprit. Avec l'Esprit de Dieu, c'est la victoire dans le combat. Parce que la Bible dit, même si l'ennemi peut venir comme un fleuve d'eau, mais l'Esprit de Dieu se lèvera pour les chasser. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, ne pleure pas. Ne dis pas ceci. Ne dis pas comme Gédéon. Je viens d'une famille pauvre. Je n'ai rien. Je n'ai pas eu la force. Je n'ai pas eu l'argent pour étudier. Écoutez, si les autres ont eu la grâce d'étudier, cela ne veut pas dire que c'est eux qui gagneront seulement la vie. Mais toi, avec l'Esprit de Dieu, sans un niveau d'études élevé, mais tu vas étonner le monde. Alléluia. Toi aussi qui as étudié, tu n'as pas un travail, tu n'as pas une connexion, mais avec l'Esprit de Dieu, tu peux accomplir quelque chose. La Bible dit quand l'Esprit l'a saisi. Écoutez, dans chaque combat, il y a toujours de bonnes choses. Quand Samson a déchiré les lions, la Bible dit, dans ce qui mangeait, est sorti ce qui est mangeable. Dans ce qui est dur, est sorti ce qui est quoi? Soft. Donc, ce qui est, alléluia. doux, ce qui est doux. Alléluia. Tu peux passer dans des moments difficiles. L'ennemi se lève. Même ta réputation bouge. Mais dans ce combat-là, il y a le miel qui va sortir. Caramage. Dans ce combat-là, là où les gens parlent, quand tu regardes, tu vois la mort. Dans ce que tu vois la mort-là, une vie sortira. Là où tu vois, il y a la honte. Une gloire va surgir. Mais il faut toujours être avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il a fallu que Aman se lève contre Mardoché. Pour que Mardoché puisse être glorifié. Quand un combat arrive, toi fais confiance au Saint-Esprit. Tu vas manger le miel. Alléluia. Alléluia. Dans tes pleurs là, il y a la joie qui va arriver. Dans ton humiliation, il y a la gloire qui va arriver. Jésus devait aller à la croix. Une mort de la honte. C'est là qu'il a eu le grand nom. Il y a des fois laissé la honte venir. Et quand la honte vient, même si tu... Écoute, il y a d'autres combats qui peuvent te faire entrer dans des erreurs. Ce n'est pas la fin du monde. L'Esprit de Dieu est un esprit de restauration. Ce n'est pas la fin des choses. Il y a des fois, nous prêchons mal l'évangile. Lorsque les gens font des erreurs, où ils peuvent tomber, maintenant, vous l'enterrez pour l'exterminer. Dieu n'a pas fini avec lui. Quand Dieu l'a appelé, il savait qu'un jour, il va broncher quelque part. Si toi, tu crois que c'est fini, Dieu peut te relever encore. Par son esprit, tu peux te mettre encore debout. Et tu peux avancer. Et tu peux étonner le monde. Alléluia. Nous devons prêcher l'évangile avec amour. Nous ne sommes pas là pour condamner. La condamnation appartient à l'Éternel. On n'encourage pas le péché, mais nous devons prêcher avec amour. Cet évangile, si Dieu était comme ça, dans le monde, aucune personne n'allait survivre. Alléluia. Alléluia. L'amour, c'est prier pour l'autre quand il est dans la faiblesse. Ce n'est pas l'enfoncer. On savait. Il va arriver là-bas. Ce qu'on dit en Swahili, ni nguvu ya soda. Vous savez, nguvu ya soda, c'est quoi? Quand vous ouvrez la bouteille de coca, elle fait psh, et après c'est fini. Et on savait. Ni nguvu ya soda. Oh, oh. Toi, tu es Dieu. Amen. Vous savez, les gens qui condamnent toujours les autres, ils ont des problèmes. Les gens qui parlent, moi je crains beaucoup quelqu'un qui est très saint. Il est saint plus que le Saint-Esprit. Même quand vous le saluez comme ça. Alléluia. Donc lui, il est au top chaque jour. Ce sont des mascarades spirituelles. C'est qu'un ami disait, la sainteté fabriquée. On ne dit pas de ne pas être saint. Alléluia. Peut-être que tu vas me comprendre. Parce qu'il y a des gens, ce sont des mouches. Vous savez, une mouche, même quand il est sur les saletés, il se frotte les mains. Alléluia. Que Dieu nous aide. Nous devons nous relever. Nous devons nous aimer. Parce que nous sommes tous une même équipe. Nous sommes tous une même armée. Si l'autre tombe, l'équipe devient incomplète. Parce que chacun a son numéro. Il y a des défenseurs, il y a des médiateurs, il y a des attaquants dans les choses de Dieu. Il y a des gens, quand on les met quelque part, ils changent les choses. Il y a des gens, quand on les met quelque part, ils défendent les choses de Dieu. Et il y a des gens, quand on les met quelque part, ce sont les Barnabas, les fils de consolation. Ils unissent les autres. Amen, Église. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Et nous avons dit que la Bible dit, il déchira le lion comme un chevreau. Comme une chèvre. Cela veut dire, quand on a l'Esprit de Dieu, les choses difficiles deviennent faciles. C'est avec l'Esprit de Dieu que tu vas déchirer même tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous combattons mal. Vous savez comment tu dis, toi tu combattes? Seigneur Jésus, je les coupe. Je les coupe en mille morceaux. Je les jette dans les feux. Je les récupère encore. Je les piétine. Tu l'as jeté dans les feux. Tu les récupères encore. Tu les piétines encore. Dis seulement, Saint-Esprit, lève-toi contre mes ennemis. Que ta puissance. La Bible dit, David priait comme ça. Dieu, fais errer mes ennemis par ta puissance. Déstabilise-leur. Parce que devant la puissance de Dieu, aucun sorcier, aucun magicien, aucun démon peut résister devant l'Esprit de Dieu. Maintenant, ce n'est pas le multiple langage. Je coupe d'abord leur tête. Je les jette dans les feux. Je les récupère. Ah, dis seulement, Dieu, que ta puissance puisse les affronter. La Bible dit, Dieu libérera Israël par sa main puissante. Or, la main, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et là où Samson était, il n'avait pas d'armes, il n'y avait pas quelqu'un, il était dans la faiblesse. Bien aimé, c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Là où tu arrives à la fin, là où tu commences à avoir mille et une questions dans ta tête, c'est là que la puissance de Dieu se manifeste. C'est là que Dieu change les choses. Lisons d'abord un verset. Lisons 2 Corinthiens 12, 9. La Bible dit quoi? La Bible dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc la puissance de Dieu. Samson était faible. C'était dans une forêt. Il était avec ses parents. Ses parents incapables de les défendre. Là où tu es faible, c'est là que la puissance de Dieu se manifeste. Il dit, je me suis glorifié de ma faiblesse pour que la puissance... Écoutez, ne cache pas ta faiblesse. N'ayez pas honte de ta faiblesse. Parce que c'est dans cette faiblesse que Dieu va se manifester. Que la puissance de Dieu va changer les choses. Et c'est là qu'on saura que Dieu est avec toi. Même quand tu es tellement malade, les médecins disent, non, nous sommes arrivés à la fin. C'est là que Dieu commence cette affaire. C'est là que Dieu confond les gens. C'est là que Dieu se manifeste. Là où on te chasse du travail, tu n'as plus de travail. C'est là que la puissance de Dieu s'élève. Alléluia. Alléluia. Samson était faible. Mais la puissance de Dieu, l'esprit de Dieu a fait des exploits. Il a utilisé ses mains pour déchirer les lions. Alléluia. Ton temps est arrivé. Juge chapitre 15, verset 12. Jusqu'au 18e verset. Mais je vais seulement lire d'abord 4 versets. Après, nous allons continuer. Il lui dit, nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. Et Samson leur dit, jure-le-moi que vous ne me tuerez pas. Il lui répondit, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre les mains, leurs mains. Mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils les lièrent avec des cordes neuves et les firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à l'échi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors, l'Esprit de l'Éternel le saisit et les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Aïe, aïe, aïe. Et ses liens tombèrent de ses mains. La Bible dit ceci. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur. Nous sommes toujours dans l'histoire de Samson. Nous sommes toujours dans les combats spirituels. Il a vaincu le combat de la destinée. Là où l'ennemi voulait le tuer, le diable voulait en finir avec lui. Il est sorti. Mais un deuxième combat, c'était le combat de sa famille, de ses frères. La Bible dit Samson se vengea contre les Philistins. Parce que les Philistins ont pris sa femme. Ils ont donné à une autre personne. Et vous dites dans la vie, il faut se battre pour ce qui t'appartient. Ne ferme pas les yeux. Oh, Mimini comme Christ. Mungu mwenyana jua. Il ne faut pas donner à Dieu des responsabilités qui ne l'appartiennent pas. Samson s'est vengé. Il a brûlé le champ des Philistins. Et quand il est rentré, il est allé se cacher dans un rocher. Les Philistins ne savaient pas que Samson était dans les rochers. Ceux qui savaient que Samson était dans les rochers, ce sont ses frères. Celui qui te connaissent bien. Celui qui te connaît bien. Ou ceux qui te connaissent bien. Ce sont les gens qui peuvent te livrer. Ceux qui ont livré Joseph, c'est ses frères. Celui qui a livré Jésus, il est de sa tribu. C'est quelqu'un de la tribu de Juda. Et Jésus vient de la tribu de Juda. Cependant, dans la vie, ceux qui te connaissent plus, il faut tirer attention. C'est pourquoi dans ta vie, ne livre pas tous les secrets de ta vie à quelqu'un que tu es proche de lui. Parce que beaucoup sont tombés à cause de ceux qui étaient proches d'eux. Il ne faut pas avoir l'excès de confiance. Alléluia. Alléluia. Alléluia. On t'a frappé. On m'a frappé. On t'a volé. Tu viens de dire toutes choses. Mais demain, tu vas pleurer. Alléluia. Et Samson, quand il était dans le rocher, il était dans un lieu sécurisé. Maintenant, les Philistins sont venus à masse. Et Samson, si Samson ne sort pas, vous allez en payer le prix. Il y a des gens, quand tu entres dans les problèmes, ils fuient. T'abandonnent. Ils ont accepté par la peur. Écoutez, la plupart des gens qui sont tombés, même dans le monde de la sorcellerie, Écoutez ce que Samson. Samson avait peur. Il dit à ses frères, il ne faut pas me tuer. Avec toute sa force. Mais devant ses frères, il était faible. Il dit, pardon, ne me tuez pas. Mais devant les Philistins, Samson ne pleurait pas. Devant les Philistins, Samson ne dit pas, oh, vous allez me tuer. Même quand on l'a crevé les yeux, il était toujours confiant de lui. Il a dit à ses petits, j'aimerais me venger à ces gens. Mais devant ses frères, il a dit, pardon, ne me tue pas. Donc il savait que ses frères sont capables de les tuer. C'est pourquoi dans le monde de la sorcellerie, les gens qui te livrent, ce sont les gens qui portent le même sang avec toi. Les gens qui ont des liens avec toi. Écoutez, il y a des gens qu'on n'a pas tués, mais qu'on a vendus. Alléluia. J'avais fait une délivrance d'une sœur. Ça fait au moins 7 ans. Parce que j'ai opéré beaucoup dans les choses de la délivrance pendant des années passées. J'ai dit à la sœur, je vois un esprit de mari de nuit qui te tourmente. La sœur a dit, non, vous savez, papa, moi j'ai pris beaucoup, ces esprits ne peuvent pas me tourmenter. Moi j'ai dit, ok, ça va, il n'y a pas de problème. Mais moi j'ai dit, je vois ça. Mais un jour, on était dans un séminaire de Pâques. Pendant le temps d'adoration, les gens étaient de fermer les yeux. Les gens étaient d'adorer, moi j'étais à la chair. Pour commencer mon message, je vois la sœur enlever sa blouse. Pas. Moi, je crois que c'était dans une vision. Elle jette. Mais les gens, il faut aussi les protocoles, il faut être vigilant. Protocole, tu prends de fermer les yeux. Oui, jazz ou macho wise. Tout d'un coup, je vois, il fait descendre la jupe. C'est pas là que j'ai compris. Ce n'est pas une vision. C'est une réalité. On l'a saisi comme ça. Les démons commencent à parler. Il dit, ça, c'est ma femme. Son père m'avait vendu cet enfant. À l'âge de 3 ans, de 9 ans. Alors un monsieur comme ça, il vient prendre cette fille en mariage. Je lui ai donné le sida. J'ai mis le sida dans cette femme. Et le sida a tué ses maris. Et leur petit enfant là, il a le sida. Et bientôt cet enfant va mourir. Je pose des questions à la sœur parce qu'elle était nouvelle dans l'église. Et dit, oui, mon mari est mort par le sida. Moi aussi j'ai le sida. Et mon enfant a le sida. C'est pas là que j'ai compris, il y a d'autres maladies de sida. Ce n'est pas le virus. L'esprit, les protocoles sont allés chasser ces démons. Les démons étaient very stubborn, très durs. Il fallait que je finisse le culte pour m'en charger. C'est là que l'esprit commence à parler. On m'avait vendu. C'est ma femme à moi. On a fait des repentances, on a chassé cet esprit. La maman et l'enfant, ils étaient tous guéris du sida. Parce que quand le démon est parti et le sida était parti, ce n'était pas un sida normal. C'est pour là que j'ai compris que quelqu'un peut être en vie. Mais on l'a vendu quelque part. Samson, on l'a livré. Écoutez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent que toi, on te laisse en vie. Nous te girons, Samson. Nous, tes frères, on ne peut pas te tuer. Nous allons faire 2 choses. Nous allons te lier. Ce ne sont pas les Philistins qui ont lié Samson. Mais ce sont les frères qui ont lié Samson. Après l'avoir lié, ils l'ont pris, ils ont remis aux mains des Philistins. Il y a des gens qui sont liés. Mais la Bible dit, quand on a fait descendre Samson, arrivé à l'échi, les Philistins ont crié, nous l'avons récupéré maintenant. Maintenant, le temps de nous venger est arrivé. Samson lié, Samson faible. Mais la Bible dit, arrivé à l'échi, l'Esprit de Dieu a saisi Samson. Marama. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que quand on est lié, on l'a lié avec des cordes neuves. Donc ce sont des cordes difficiles à couper. Ce sont des cordes qui sont neuves, difficiles à rompre. Mais la Bible dit, quand l'Esprit de Dieu l'a saisi, les cordes qui étaient sur lui étaient devenues comme des lins brûlés par le feu. Des nylons, des lins brûlés par le feu, sans résistance. Donc il y a des liens qui vont être brisés par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, le Saint-Esprit m'a oint afin de proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Et le Saint-Esprit l'a oint pour libérer les captifs. Il y a des liens qui ont bloqué ta vie. Il y a des liens qui te font tourner en rond. Il y a des liens qui amènent l'humiliation et la honte. Mais je viens t'annoncer, il y a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Jésus. Il va saisir, il va descendre sur toi. Écoutez, écoutez, la snelle peut t'amener l'électricité dans ta maison. Mais tu dors dans l'obscurité. Ce n'est pas la snelle qui viendra mettre les soquets, les ampoules. C'est à toi maintenant de mettre les soquets là-bas, de mettre tout pour fonctionner. L'Esprit de Dieu est en toi. C'est à toi maintenant de lui donner la permission d'opérer. L'Esprit de Dieu n'est pas un démon. Parce que les démons vont te prendre. Ils t'enlèvent les habits. Tu commences à marcher avec des jupettes, des collants. Mais l'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui te donne la liberté. À toi de le permettre. À toi de l'ouvrir la porte. Écoutez, on peut t'amener l'électricité, mais tes viandes sont en train de pourrir. Il faut que tu fasses des cendres. Un fil, tu mets des soquets, tu branches ton réfrigérateur, tu gardes ta viande. La puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu quand il te saisit. Écoutez, quand l'Esprit de Dieu a saisi Samson, les liens sont tombés. Écoutez, la Pentecôte aussi c'est la délivrance. Amen. Amen. Qui croit sa délivrance ce soir? Qui croit que les liens de la sorcellerie vont tomber par la puissance de Dieu? Qui croit qu'avec la puissance de Dieu, tout est possible? Tout peut changer par la puissance de Dieu. Les Philistins qui criaient, ils ont vu un homme lié. Oh, les gens qui attendent de se moquer de toi, ils vont voir les liens tomber. Les craquants maléfiques tombaient. Les chaînes démoniaques tombaient. Tu vas faire un pas cette année. Parce que quand tu es lié, il est difficile d'avancer. Tu marches à petits pas. Mais avec l'Esprit de Dieu, c'est un vent qui marche avec une vitesse de croisière. Parce que le jour de la Pentecôte, hein, la Bible dit, dans cette salle, il y a un vent qui est entré, qui marchait à une vitesse extraordinaire. Avec l'Esprit de Dieu, c'est une vitesse de croisière. Les gens vont voir ta vie se transformer en un clin d'œil. Je vais vous donner un exemple. Une femme, le mariage du cheval et de la colombe. Écoutez, une femme qui a un mari riche et qui ne donne pas accès à ses maris de changer sa vie. Elle va marcher en lambeau. Elle va marcher en lambeau. Elle sera laide. Elle sera mince. Et l'argent est dans la maison. Mais le jour que la femme ouvre le cœur, il dit à son mari, je suis disposé à toi. Elle va changer en un clin d'œil. C'est comme ça avec l'Esprit de Dieu. Si tu lui donnes la place, tu dis que ce n'est ni par ma force, ni par mon savoir-faire, ni par ma puissance. Ce n'est que toi, Esprit de Dieu. Même dans les ministères, laisse l'Esprit avancer. Mets ta connaissance à côté. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, je suis bourré de connaissances. J'ai lu 350 livres. J'ai fait la théologie. J'ai 3 masters. Un doctorat. Ce n'est pas ça. Laisse d'abord ce que tu as là. Mets l'Esprit de Dieu en premier plan. C'est maintenant lui qui va commencer maintenant à entrer dans cette connaissance. Il tire des choses, il te donne. Tu prends cette connaissance et tu marches devant les gens. Tu étonnes le monde. Il y a combien de gens qui savent parler, mais ils ne sont pas visibles. Ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Laisse au cavalier de te conduire. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé en deuxième position? La Bible dit ceci, verset 15. Il trouva, après que les liens tombent, il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Hey! Et il étendit sa main pour la prendre. Et il en tua 1000 personnes. Alléluia. La deuxième chose, Samson dans sa faiblesse, l'Esprit l'a saisi. Quand l'Esprit l'a saisi, il a utilisé quelque chose de non conventionnel dans le combat. Parmi les armes, on n'a jamais vu une mâchoire comme arme. Mais quand l'Esprit de Dieu arrive, des choses que tu crois que c'est faible, c'est ce qui peut te rendre héros. David, dans le champ de bataille, il n'a pas utilisé l'armure de Saül. Il a laissé la place à l'Esprit de Dieu. Une petite pierre a fait tomber un géant qui faisait trembler toute l'armée. Écoute, l'Esprit qui a fait trembler ta famille, c'est toi qui vas le faire tomber. Avec ta petite prière là de 2 minutes, c'est ce qui va faire tomber ces géants là. Alléluia. Alléluia. Écoutez, la mâchoire aussi peut être un petit don que tu négliges. Si tu chantes, hein? Si tu joues à la guitare, tu crois que c'est la fin du monde. Ce métier là peut t'amener quelque part. On avait un jour, on est allé à Mutuara. C'est à la frontière de Mozambique et la Tanzanie. C'était ma première fois d'y aller. Alors, dans notre cortège, j'ai vu encore un petit là. Nous montons dans l'avion. Je pose la question. C'est le pasteur qui? Il dit, c'est pas un pasteur. Il dit, c'est un pianiste. Moi, je dis, vous prenez un pianiste ici, vous voulez... Pour l'amener la, donc, à Mutuara, il n'y a pas de pianiste. Il dit, je n'ai pas la réponse. Hein. Mais je vais te donner la réponse quand on va arriver à Mutuara. Arrivé à Mutuara là-bas, nous entrons maintenant dans les services. Les gens de l'église, ils ont joué. Maintenant, quand je devais monter pour prêcher, l'autre pasteur dit à ce petit, va. Il touche le clavier. Il commence à jouer le clavier. Les démons commençaient à sortir dans les gens. Avant que même je commence le service. Après qu'il me dit, est-ce que je peux donner la réponse? J'ai dit non, j'ai déjà la réponse. Ce petit va jusqu'en Allemagne, jusqu'aux États-Unis. On le prend pour aller jouer à la guitare. La pauvreté de sa famille est tombé à partir du clavier. Et quand il rentre avec des dollars. Il a une belle ville, il soutient sa famille. Il ne travaille pas à l'assonance. Il ne travaille pas à la douane. Il a une belle voiture. Il a une bonne vie à cause du synthétiseur. Même quand les blancs viennent faire des croisades, on doit les prendre. On le paye $3,000, on le paye $2,000 à cause de la mâchoire. Une chose faible, une chose négligeable. Les chrétiens ne savent pas chercher ce qui se cache en eux. Comme Gédéon avait quelque chose, il y a quelque chose en toi. Aussi, je m'en vais dans la révélation. La mâchoire représente la bouche. Quand on voit la bouche, on voit la parole de Dieu. Or, la Bible dit, ma parole n'est-il pas comme une épée à double tranchant? Donc si tu es rempli de l'Esprit de Dieu et que tu veux vaincre tes ennemis, il faut avoir aussi la parole. Au travers de la parole de Dieu, tu vaincras tes ennemis. Même quand Jésus va revenir pendant la guerre d'Armageddon, la Bible dit qu'il va les battre par l'épée qui est sortie dans sa bouche. La parole, c'est une épée. Bien-aimé dans le Seigneur, cette soirée d'aujourd'hui, il y a des liens qui doivent tomber. Il y a des ennemis qui doivent être déchirés. Il y a des ennemis qui doivent tomber. Il y a des liens qui doivent être déchirés. Et en plus de cela, la puissance de Dieu qui va descendre en toi va te montrer les talents qui est en toi qui peut changer ton histoire. David avait plusieurs talents. Il était un guerrier. Il était un chantre. Il était un berger. Qu'est-ce qui a fait de lui un homme célèbre? Ce n'est pas la musique, mais c'est le talent du guerrier. Il y a quelque chose caché en toi. Vous savez, ne faites pas seulement ce que tu aimes. Mais il y a quelque chose qui se cache en toi, que tu négliges. C'est la mâchoire qui peut te donner la victoire dans les combats, qui peut élever ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Lève-toi, nous allons prier. Nous voulons prier le Seigneur. Nous allons faire des prières de combat. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Tu vas te mettre après. Lève-toi d'abord. Tu vas te mettre après. Lève ta main droite. Tout en étant debout. Dites Seigneur Jésus. Je suis un cheval. Libère ton cavalier. Saint-Esprit. Aniongoze mon vita ya mangaribi ya leo. Mimi siombe tu kwa kuomba-omba. Roho Mtakatifu aweke maneno mukinywa yangu. Leo. Baenemi bangu bote. Baanguke. Bapasuke. Saint-Esprit. Unibambe. Nous allons chanter tout en fermant nos yeux. Et après, nous allons entrer dans la prière de combat. Dans cette prière de combat, tu peux être maître, tu peux ouvrir tes yeux. Mais en ce moment, d'abord, ferme tes yeux, élève tes mains. Entrez dans cette adoration. Entrez dans cette chanson. Soyez connectés à cette présence de Dieu. Hallelujah. Iba buana yo yo yo yo yo yo. Iba buana yo yo yo yo. Saint-Esprit, Saint-Esprit, saisis-moi ce soir. Saisis-moi ce soir. Et remplis-moi d'une puissance. Et remplis-moi d'une puissance. Qui dépasse la puissance de mes ennemis. Qui dépasse la puissance de mes ennemis. Unijaze nguvu yako. Unijaze nguvu yako. Il est au-delà ya vita ya mufami. Il est au-delà ya vita ya mufami. Ingie pa maisha yango. Ingie pa maisha yango. Ikachome kila malie. Ikachome kila malie. Kila masheni lele funga maisha yako. Kila masheni na funga maisha yako. Yanguke mangaribi ya leo. Yanguke mangaribi ya leo. Onote. Onote. N'accepte pas quand tu pries. Sa outil à voisin à quoi pite à quoi. Et la voix de ton voisin te dépasse. Ma combat, ma prière à combat, il peut pas être mosaïf. La prière de combat, il ne faut pas être. Qu'on a piqué mi cono. Tu dois prier en tapant les mains. Ou qu'on a omba. Va prier. Saint-Esprit à coupambe. Que tu sois saisi par le Saint-Esprit. Hey, Ramach. Comment ça prie? Arrive au malombi, sasa. Montez. Alléluia. Banda tu, Athéna. Montez. Bandissa tu. Saint-Esprit. Oh, saisis-moi ce soir. Saisis-moi ce soir. Père éternel. Peut-être ton esprit ne m'avait pas encore saisi. J'aimerais ce soir voir la puissance de Dieu. Montez, montez, montez, montez, montez encore, priez très fort, montez encore, il t'a tué, il m'a arrivé à l'heure. Papa, papa, papa, papa, papa, papa. Chasse! Saisis-moi, Saint-Esprit! Saisis-moi, Saint-Esprit! Saisis-moi, Saint-Esprit! Saisis-moi, Saint-Esprit! Pour une chance et puissance, il est au-delà! Il y a ma combat à ma famille! Il est au-delà! Il y a sorcellerie familiale! Pour une chambre pour une femme et tu es arabe! Bien-aimé, montez. Bien-aimé, montez dans la prière. Continuez à prier. Continuez à prier. Tout le Saint-Esprit. Trois, c'est trop. Remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Trois, c'est trop. I need power. I need more power. I need more power. More power, more power, more power, more power. Come on. Get up, up, up, up, up, up. Introduction, introduction. sema Jésus. Jésus. Mina proclamé puissance Yako. Puissance Yako. Devant mes liens. Devant mes liens. Car la Bible dit. Ah, la Bible dit. Tu proclameras la puissance de Dieu. Tu proclameras. Je m'en devant ma lien à mon famille. Devant ma combat à mon famille. Je m'en mina tangaza ou pako. Mina tangaza puissance. Priez le Seigneur. Proclame la puissance. Devant Dieu combat. Je proclame la puissance. Je proclame la puissance. Devant le combat de ma famille, devant le combat de ma maison, devant le combat de la destinée. Hérage, hérage. Je proclame la puissance. Je proclame la puissance, je je proclame la puissance du Saint-Esprit devant les combats de la destinée. Il est combat qu'on a ni empêché. Quingi à mon destinée. C'est ma mina et tangazia puissance. Saint-Esprit y passoule. Priez, priez, priez. Priez, priez, priez. Je proclame puissance devant les combats de ma destinée, de la destinée de ma famille, de la destinée de mes enfants. Je proclame puissance, je proclame puissance, je proclame puissance. Comme Samson a déchiré les lions, n'aoué pas sous à ma ruse, déchire-le. Oh non, priez, priez, priez, priez, priez. Pacasi a pas soulé, nos familles a pas soulé, nos quartiers a pas soulé. Thank you. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Vile Samson, il passe sous la lion. Vile Samson, il passe sous la lion. Passoua Madoui. Passoua Madoui. Les ennemis au travail. Les ennemis dans les quartiers. Les ennemis dans la famille. Qui mettent des blocages. Qui cherchent ma mort. Qui cherchent mon échec. Déchire-le. Priez. Tape les mains. Déchire-le. Rabat. Tous les ennemis dans les ministères, dans la famille, dans les quartiers, Saint-Esprit, déchire-le, déchire-le, déchire-le, Passoua, Passoua, Passoua, déchire, déchire, déchire, Passoua, Passoua. Jésus, par l'impulsion du Saint-Esprit, par l'impulsion du Saint-Esprit, quand vous y arrêtez à Katifou, il a utilisé parole Yako. Il a utilisé parole Yako. Comme le Samson a utilisé ma choix. Samson a utilisé ma choix. Il a utilisé parole Yako. Il a utilisé parole Yako. Comme une épée ce soir. Comme une épée ce soir. C'est ma mine à Zakukata. Anza kukata ma lien yote, ma lien yote, ma chaîne yote, ma chaîne yote, ma kraka ya monde ténèbres, kraka yote, chama mina kata, kata, par la puissance du Saint Esprit, mina kata yote, mina kata yote, yangu na famille muzima, kata kata kata, prends la mâchoire, commence à couper. Maman, mets-toi debout maintenant. Maman basse. Carama, il y a quelque chose qui va se passer pour clôturer. Si tu m'entends, copie ta canne pas câble tout malisé. Élève tes mains. Nous avons connu Yako. C'est ma vie. Dis ceci. Saint Esprit. Saint Esprit. Samson n'avait rien à la main. Samson n'avait rien à la main. La machine n'a quitté chamana. La machine n'a quitté chamana. Je n'ai rien dans ma vie. Je n'ai rien dans ma vie. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas de connexion. Je n'ai pas de connexion. Je n'ai pas une bonne tribu. Je n'ai pas une bonne tribu. Je n'ai pas une bonne famille. Je n'ai pas une bonne famille. Mais ce que j'ai. Mais ce que j'ai. Ni way et Saint-Esprit. Ni way et Saint-Esprit. Unitembele magharibi ya leo. Unitembele magharibi ya leo. Niweze kufanya vitu binene. Niweze kufanya vitu binene. Elève ta main, elève ta main. Il y a quelque chose qui va se passer. C'est la dernière prière. Promotion yako. Promotion yako. Il a dépendu de la Saint-Esprit. Il est un vent de tourbillon. Quand il passe, il te fait sortir de la terre. Il te fait monter dans les hauteurs. Dans les hauteurs. Élève tes mains, sois concentré. Hapa niko nasema une visitation. Je vois une visitation. Naona matembezi moya fulani. Oui, j'ai abandonné mpe na face. Hallelujah. Même si tu as toujours parlé en langue. Ataka masema katika lugha siku zote. Mais mangaribi ya leo. Eh, ce soir. Atakuwa différemment. Viendra différemment. Tu vas sentir une puissance. Parce que Weso moja. Une puissance d'élévation. Weso kuinuliwa. Une puissance de deliverance. Weso ya kufungulivu. Une puissance de victoire. Weso ya ushindi. Karamash. Karabo shekeremas keteante. Il y a des gens qui seront touchés sérieusement. Il y a des gens qui seront visités par la puissance de Dieu. Et à partir de ce soir, leur vie va changer. Quand l'Esprit de Dieu a saisi Saül, il était transformé. Il était devenu une autre personne. Ce soir, tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Soyez connectés à cette grâce. Mais je sens une forte onction dans la salle. Le Dieu de la source féconde est là. Il veut verser une onction spéciale. Il va déclencher les choses en toi. Saint-Esprit. Saisis-moi ce soir. Encore une fois. Saint-Esprit. Saisis-moi encore ce soir. Une fois. Saint-Esprit. Saisis-moi ce soir. À haute voix. Saint-Esprit. Saisis-moi ce soir. Avec foi. Saint-Esprit. Saisis-moi ce soir. Carabash. Carabon Chekas. Une fois encore. Saint-Esprit. Saisis-moi ce soir. Unibambe mangaribi aleo. Unibambe mangaribi aleo. Alors que pour la septième fois, la plénitude de Dieu va passer en toi. Et après la septième fois, tu vas faire une prière de 3 minutes. Et dans cette prière, tu vas commencer à dire, mina shindwa miaka mingi, mina kupa na fasi, je te donne la place, Saint-Esprit. Prends le volant de ma vie. Hallelujah. Caramage. Oh yes. Il y a quelqu'un qui ne peut pas résister. Parce que ça sera très fort. La direction de sa vie est en train de changer. Parce qu'il y a un cavalier qui commence à prendre le volant. C'est ma Saint-Esprit. Unipambe mangaribi alors. Oh non, commence à prier 3 minutes, prier très fort, tu pries très fort, tu pries là-bas. Saint-Esprit, j'ai échoué mille et une fois, mais aujourd'hui, mina hachia maïsha yambo kumikono yako là-bas. Montez, montez, montez, montez. Hey, Oui, il est en train de prendre le volant de la vie de quelqu'un. Marabas. Et je vois cette personne être remplie de la puissance de Dieu. Et il ne peut pas résister parce que je vois ses forces. Parce que je vois ses forces. Il n'est pas une personne, ils sont plusieurs dans la salle. Ils ne peuvent pas supporter parce que c'est fort. Alléluia. Oui, oui, ça vient. Oui, ça passe dans leur vie. Église, écoutez, il y a quelque chose qui va se passer. Avant que nous clôturons la prière, il y a quelques personnes qui ne résisteront pas à cette puissance qui passe. Oui. Akika. Oui. Oh. Okay. Yes. Yes. Pour terminer, tu élèves ta main droite très haut et tu restes calme une minute. Mono yako yuru kabisa kume baki kimya. Dakika moja. Reste calme une minute, ta main droite élevée. Et kana kimya dakika moja. Le fait de lever la main droite, c'est dire oh les mains. Je suis. Mono yako sema mimi siweze. Rien faire. Toi, Saint-Esprit, dirige maintenant ma vie. Caramaj. Oui, il y a quelque chose qui se passe. Et si tu sens qu'il y a le parler en langue, n'empêche pas. Mais dans le cœur, continue à dire Saint-Esprit, mina shindo mina kamini. Ni bambe. Saisis-moi. Ni bambe. Saisis-moi. Ni bambe. Saisis-moi. Oui, ça va passer très fort. Et ta pita ya nguvu kabisa. Parce que quand le Saint-Esprit se manifeste, wakati Roho Mtakatifu anataka kujionyesha, lui, quand il entre, wakati yeye anaingia, il a toujours des bruits. Kuko paka kelele. Ce n'est que les démons qui entrent dans le silence. Ni demoni ndio anaingia kama kimya kimya. Kara, ta main droite élevée. Nyanyua mkono wako kuombe. Alléluia. Oui. Oui. Hakika. Il y a le feu dans la salle. Moto iko hapa butumba hicho. Le feu est en train de couper les liens. Moto unakata mifungo yote. Karamashe kete rimas katarinda aravinda lebros kete inta reka shepas. Oui, soyez prêts parce qu'il y a des gens que Dieu est en train de visiter. Il y a une forte onction qui descend. Qui déchire la sorcellerie. Qui déchire les démons. Qui déchire la maladie. Qui déchire les échecs. Qui déchire la honte. Qui déchire le célibat? Vous n'avez pas sur le mbalaka wote. Kaka rima shata ripaskata rende le broskete ante rende le maskete vende le brash. Oui, ça vient. Nanja kuya sasa. Oui, il y a le feu dans la salle. Moto iko hapa. Oui, il y a le feu dans la salle. I can feel fire. Oh yes. Il y a le feu dans la salle. Je dis encore, il y a le feu dans la salle. Parce qu'une personne reçoit le feu en ce moment et ce feu-là va bouger sa vie. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia autre fois? Alléluia. Une fois encore. Alléluia. Une fois encore. Alléluia. Une fois encore. Alléluia. Par la foi encore. Alléluia. Une fois encore. Alléluia. Pour la dernière fois. Alléluia. Reçois. Okay, Abasti. Je vois 5 personnes. On a le feu s'allumer dans leur vie. C'est un feu très puissant. C'est un feu très puissant. Yes, I can feel fire. Oh, hallelujah. Sakarima sketeribas. Yeah. Hallelujah. 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Que le feu s'allume dans ta vie pour détruire la sorcellerie, pour détruire les démons, les maris de nuit, les femmes de nuit, les démons de ta famille. Que le feu s'allume, que le feu s'allume. Take fire, take fire, take fire, take fire. Oui, soyez connectés. Soyez connectés. J'ai dit 5 personnes. Que le feu s'allume dans leur vie. Oui, je sens ce feu. Oui. Alléluia. Oui. Il y a ce feu là. C'est fait de changement. Le feu de la Pentecôte. Yes, ça ikarika era basque te rinta, ira masque te yante. Catch fire, marabas. Il y a le feu. Il y a aussi le feu dans la chorale. Continue à prier, n'éteignez pas. Et dans ma ombre, panokata. Continue à prier. Et dans ma ombre. Écoutez, c'est une chambre haute. Il est tout bas. Dans la chambre haute, il y avait le feu qui est à Paris. Il y avait le vent et le feu. Yes. Alléluia. Ta main levée. Oui, le Saint-Esprit est en train de prendre le volant de ta vie. Mon frère, ne sois pas dans la distraction. Ferme les yeux, ma soeur. Sois concentré. Écoutez, demain, il y aura une autre grâce. Mais ça, c'est une autre grâce. Le volant de ta vie est récupéré par l'Esprit de Dieu. Tu vas commencer à avoir des visions, des songes qui viennent de Dieu. Le feu va s'allumer dans ton cœur. J'appelle le révérend, il va déclarer des paroles sur ta vie. Tout en étant debout, ta main élevée. Même si tu es entré malade, tu ne peux pas te mettre debout. Par la puissance de Dieu, lève-toi là où tu es. Saint-Esprit, ce soir, tu prends la direction de toute ta vie, la direction des corps malades. C'est pourquoi je déclare la guérison sur tous les corps au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont bloqués dans des liens de ténèbres. Il y a des gens qui sont bloqués par des cordes. Même des cordes rigides. Ce soir, je déclare que toutes les cordes de la vie sont coupées au nom de Jésus. Sois libéré. Sois libre par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, merci. Sans rien à la main, sans rien dans la vie, Les ténèbres vont partir. Sans rien dans la vie. Les ennemis seront renversés. Sans rien dans la vie. La destinée sera atteinte. Oh merci Jésus. Je bénis ton nom ce soir. Ce nom merveilleux. Merci. Pour tes grâces. Une nouvelle saison dans la vie de tes enfants. Une nouvelle vie dans la vie de tes enfants. Bénis ton peuple. Que ta grâce l'accompagne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Oui, nous passons aux offrandes. La chorale nous accompagne.